Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Ici votre plus récente téléformation de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin sport local et régional d'abord en parlant qu'en fin de semaine, il y avait une tranche de ce circuit de golf régional qui se déroulait à Port-Alfred. Deux golfeurs du Haut-du-Lac ont bien fait. D'abord à noter que Jean Lamotte de Saint-Prime a remporté la victoire. Lamotte qui a remporté avec un pointage de 79. Et dans le 2B, c'est Ronald Lafrance de Dolbeau-Mistassini qui a ramené une carte de 85 pour signer un triomphe. Maintenant, on va parler que du côté du vélo de montagne, il y avait une compétition qui s'est déroulée également au cours du dernier week-end. Et d'abord, dans les catégories Atome 9 à 10 ans, Zach Dubois a terminé en première place, Raphaël Lavoie a terminé en deuxième place. Catégorie maintenant du côté Pee-wee 11-12 ans masculin, Tommy Perron du club vélo de Max a remporté la victoire. Et dans les autres catégories, en cadet masculin, troisième position pour Samuel Potvin. On va parler maintenant qu'il y a un joueur de Mastouillage qui s'est vu invité par Hockey Québec pour leur camp de perfectionnement qui aura lieu au mois d'août prochain à Châteauguay. Donc, il s'agit de Charles-Émile Dussiaume qui est âgé de. Qui a moins de 16 ans, donc il y a environ une quinzaine d'années. Donc, le joueur de Mastouillage ira jouer. Et tous ceux et celles qui vont participer à ce camp de perfectionnement ben, auront une possibilité de représenter le Québec aux Jeux du Canada à Red Deer en 2019. Et je termine maintenant avec une autre nouvelle. Il y avait du soccer au cours des derniers jours dans les différentes ligues. Ça, c'est d'abord à noter qu'à Saint-Prime, dans la catégorie. Dans la catégorie senior masculin, le FC de Robertval a défait les Chinook 3-0. Également, ça se passait du côté de Alma, victoire de 0-0 entre le FC de Saint-Félicien et le Boréal d'Alma. Du côté de Robertval, maintenant, l'Union de Robertval a défait le FC de Saint-Félicien 4-1 dans un match de la catégorie U16. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec l'ancien porte-couleur des Capitals de Washington, Robert Sirois. On sait que Robert Sirois a joué avec les Capitals dans les années 70. Il se rappelle des souvenirs de l'édition où il portait le chandail de l'équipe qui a remporté la Coupe Stanley. Le sport local et régional à danradiosport.com.